Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël avec Fadjet et avec le GSA. Nous sommes le samedi 24 décembre, il est 22h, et comme chaque année, le groupe solidaire actif de l'association Aurélia et Fadjet 94.2 et Fadjet.net vous proposent leur veillée de Noël. Certes, Noël est une fête de famille incontournable. Cependant, comme à chaque Noël, vous serez nombreux à être seuls pour les fêtes. Alors, à travers de cette émission qui nous amènera jusqu'à minuit, notre souhait sera de fêter Noël tous ensemble. Noël nous renvoie immanquablement à des moments joyeux, mais aussi des moments parfois difficiles. Alors, si vous êtes seul, parce que vous travaillez, parce que vous êtes à l'hôpital, ou vous êtes en maison de retraite, en foyer, privé de liberté, ou sur la route, cette soirée est à vous, est à nous, tous ensemble. Et puis, nous ne pouvons pas oublier non plus d'adresser nos meilleures pensées aux enfants et femmes et hommes, qu'ils soient dans le froid ukrainien, dans des abris de fortune, ou d'autres enfants, femmes et hommes sur des rafios dans des embarcations précaires en Méditerranée. Toutes ces personnes, si proches de nous, vivent cela pour la seule raison de sauver leur vie et d'aspirer à ce qui nous est tous essentiel, c'est-à-dire acquérir notre liberté. Quelle plus belle chanson pour illustrer ces propos que celle de l'anglais Chris de Burgh. La première, When Winter Comes, et la seconde, The Road of Freedom. À chacune et chacun de vous, joyeux Noël. Bonne émission, et vous pourrez entendre tout au long de notre émission des anecdotes, des Christmas songs et plein de bonne humeur. Joyeux Noël! Thank you. I feel the wind blowing through my doorway. It's telling me that the summer's gone and the winter waits in shadow, waiting with a storm. I am old and my bones are weary, and my son, he is all I have. But he has gone to fight for freedom, leaving with my heart. All my life I have loved this land, worked it with my hands. But can this freedom send the rain when seed is in the ground? Can this freedom heal the pain and bring my boy back to me again? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I watched them sail from the rocks below me. 'Twas like the sea in its endless rage. Many fall on the road to freedom, dying on the stones. All my life I have loved this land, worked it with my hands. But can your freedom send the rain when seed is in the ground? Can your freedom heal pain and bring my boy back to me again? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. He was lost in some dark forest. The snow was falling down, falling on the ground. Whoa, whoa, Joyeux Noël avec Fadjet. Oh oh oh oh, joyeux Noël sur Fadjet. Un drôle de réveillon de Noël, un monstre en pareil. Dans le Nord, un homme vexé d'avoir été mis dehors par un vigile est revenu au magasin discount alimentaire armé d'un munchaku. Il s'est attaqué à la vitrine et aux caisses. Pas de blessé dans l'aventure, sauf qu'il s'est mis un coup sur la tête. Par contre, il a eu droit à un arrêt à la casse prison avant une expertise psychiatrique. Un bon conseil, qu'il arrête de regarder des films de ninja. Alors là, on a une anecdote de Jean qui habite Flamvigny sur Moselle. Il nous raconte donc qu'il a travaillé de longues années dans un foyer pour jeunes en tant qu'éducateur-chef. et c'était moi qui étais désignée pour être le Père Noël lors de la soirée. Une année, en réunion d'équipe, j'ai annoncé que je ne serais pas cette année le Père Noël et qu'il fallait en trouver un autre. Les collègues, surpris, me demandèrent « Mais pourquoi dis-tu cela presque fâché ?» Je leur répondis « J'en ai marre de me préparer pendant plus d'une heure chaque année et qu'en rentrant dans la salle de repas, les enfants disaient presque en chœur « Bonjour Jean !» Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. De nombreuses familles japonaises se rendent dans les restaurants KFC le jour de Noël pour y déguster du poulet frit. La raison ? Une importante campagne publicitaire lancée par la chaîne de fast-food américaine au Japon depuis Noël 1974 annonce offrir des cadeaux à ses clients. Depuis, du 23 au 25 décembre, on ne trouve plus aucune place sans réservation dans les KFC au Japon. À la fin des années 1990, une publication scientifique a cherché à établir si le Père Noël existait vraiment. La réponse a été un non définitif. Motif, les calculs effectués sur la base de données statistiques ont montré que le traîneau devait voyager à la vitesse quasi supersonique de 1040 km/h pour pouvoir distribuer tous ces cadeaux. Et la magie de Noël alors, qu'en font les scientifiques ? wrote myself a letter. I told myself a lie. You'll be coming home soon, and then you'll name my sign. I read it every morning since you went away. I'm living in a dream world and dying a little more each day. Wrote myself a love song, believing every word, saying that you love me in melodies unheard. That you'll be coming back soon, and forever you will stay. I'm living in a dream world, dying a little more each day. Snow is on the sidewalk, it's cold inside my heart. I look up and I wonder, have I lost my guiding star? When everything is white outside, how can it be so dark? Say a prayer and thank God that your love is mine alone. There'll never be another who could grace our happy home. Pray on Christmas morning that this time you will stay. But I'm living in a dream world, dying a little more each day. Yes, I'm dying for love on Christmas Day. C'est le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël! La gentillesse des voisins. Ma mère était Paris pour acheter des bonnes denrées. Malgré son travail de femme de ménage, un soir, le voisin a frappé à la porte. Bonjour! Je vous invite, vous et Adam, à manger samedi soir à 19h. Nous sommes rendus à l'invitation et nous sommes mis à table et parler un petit peu. Puis le voisin a servi une soupe aux légumes, suivie de patates sautées et d'une tranche de jambon. Et un fruit pour terminer. Nous l'avons remercié. Bonne année à tous et merci. Le matin de Noël 1997, à Chevy Chase dans l'état du Maryland, la police a surpris un intrus dans une maison. Roger Augusto Sosa, 23 ans, n'a pas entendu les policiers arriver, trop occupé qu'il était à déballer les cadeaux de la famille Kane, propriétaire des lieux. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have tree have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Âgé de 18 ans, purgeait une peine d'un mois ferme à la maison d'arrêt de Strasbourg. Mais il avait obtenu une permission pour Noël. L'adolescent devait rentrer le samedi 26 décembre avant 18h30, raconte le quotidien d'Alsace. À l'heure donnée, le jeune homme est absent et l'établissement pénitentiaire lui accorde un délai de 3 heures. Mais à 21h30, les gardiens de la prison ne voient toujours personne arriver. Ce n'est que le lendemain, dimanche 27, que le détenu est interpellé en fin d'après-midi à son domicile, à quelques kilomètres de Strasbourg. Il a expliqué aux policiers qu'il pensait que les prisons étaient fermées le dimanche. À Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est à un remake de Rambo que des passants ont assisté. Un homme de 25 ans revenu récemment d'Afghanistan s'est élancé à la poursuite de sa campagne en treillis et armé d'un arc de compétition, raconte le journaliste local. La jeune femme s'est réfugiée dans une école avant que le déséquilibré ne soit maîtrisé par les gendarmes. Oh oh oh oh, joyeux Noël sur Fadjet. Après 11 mois de sommeil, le gros bonhomme s'est réveillé, tout habillé de rouge et d'une grosse barbe blanche, et un ventre bien bombé. Il a bien lu votre courrier de Noël avec écoute et attention. Ce personnage va faire un long voyage autour de la Terre pour récompenser petits et grands qui ont été très sages. Après sa distribution de surprises, il va reprendre le chemin du retour avec ses 6 sœurs au pays des lutins. Joyeux Noël à tous! À Bordeaux, relate le journal local, sur le marché de Noël des allées de Tourny, le personnage préféré des enfants a menacé avec une arme non chargée le vendeur de sapins installé à côté de son chalet. Toujours déguisé en Père Noël, l'agresseur a passé une journée en garde à vue. De quoi traumatiser toute une génération de petits Bordelais. Les badauds ont cru à un remake du film de Gérard Jugnot, Le Père Noël est une ordure. Joyeux Noël. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Toute l'équipe de Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Je souhaite un bon Noël à tous ceux qui sont en maison de détention. Joyeux Noël et à l'année prochaine. Je souhaite un joyeux Noël à Yves, notre réalisateur, qui a bien du courage. Joyeux Noël à toi. Spéciale dédicace à toute la bande de jeunes du Vendest, quartier Vendest Étoile à Vendeuvre. Si, si, la famille. Yo! C'est Patrick, je souhaite un joyeux Noël à l'oiseau lire. Je souhaite aussi un très bon Noël pour les pompiers qui ont un courage de feu. Joyeux Noël les pompiers. Je souhaite de joyeuses fêtes à tous les auditeurs qui se sont peut-être seuls pendant la période des fêtes. Et voilà, vous n'êtes pas seuls parce qu'on pense à vous. Je souhaite un joyeux Noël à Aurélia et tous ceux qui sont autour. Joyeux Noël et à bientôt. Joyeux Noël. Le plus imposant sapin de Noël flottant a été érigé en 2014 dans la lagune de Rodrigo de Freitas à Rio de Janeiro, au Brésil. Cette construction en acier de 542 tonnes mesurait 85 mètres de haut et était ornée de 3,3 millions d'ampoules scintillantes. Après Noël, Google USA remarque que les recherches sur Internet sont nombreuses sur les thèmes droit du divorce et calcul de la contribution d'entretien. Il faut dire que des statistiques montrent que de nombreux enfants sont conçus aux USA pendant les fêtes. Je souhaite un joyeux Noël à tous les enfants qui sont dans les hôpitaux. Bonne fête et remettez-vous surtout de votre santé. Au revoir. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Have a when you walk down the street. Say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, yes sir, once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. C'est le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël! Des années inoubliables et des Noëls merveilleux. Noël 1962. Mes parents étaient pas riches pour acheter des cadeaux de Noël. Nous étions un peu tristes. Le soir de Noël, quelqu'un est venu frapper à la porte. Je l'ai ouverte avec peur. C'était le Père Noël. Est-ce que Alain a été bien sage? Il sorta de son sac rouge un paquet bien emballé et il me le donna. Merci Père Noël. Je l'ai ouvert avec bonheur. C'était un avion fait par mon grand-père. J'étais tout ébloui et émerveillé. Merci grand-père, je penserai toujours à toi. Bon Noël à tous. De Cécile de Nancy. Il y a quelques années, j'ai reçu comme cadeau de Noël de ma marraine âgée de 87 ans un certificat m'annonçant qu'une étoile quelque part dans la galaxie s'appelait maintenant Nadine en mon honneur. Dommage, moi c'est Cécile. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël avec Fadjet. Oh oh oh oh, joyeux Noël sur Fadjet. Le terme guirlande serait dérivé de l'ancien français garlande, désignant une couronne de métal précieux. Après la tête des jeunes filles sous des formes fleuries, les guirlandes ont trouvé leur place sur nos sapins. Le plus grand sapin de Noël traditionnel de tous les temps est un Douglas culminant à 67,4 m. Il a été exposé en 1950 à Seattle aux États-Unis. Le 20 décembre 1999, le record a été battu dans la Styx Forest en Australie par un eucalyptus de 80 mètres. Alors, spéciale dédicace de la famille de Farouk du Vent d'Est qui souhaite à tous les auditeurs de Fadjet de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. It's Christmas. Baby, please come home. La nuit du 24 au 25 décembre 2019, un tweet et une photo ont été publiés sur le compte de la police nationale du Pas-de-Calais. Le tweet disait « Nous procédons actuellement à une vérification d'identité d'un individu, nous ayant été signalés à de nombreuses reprises comme pénétrant subrepticement dans les habitations par les toits. » Un second tweet, une heure plus tard, annonçait après vérification, l'identité de l'individu, dénommé Père Noël, a été établie et tout était en règle. Il a pu reprendre son activité nocturne. Nous lui avons prêté une moto pour rattraper le temps perdu. Une bonne blague, likée plus de 57 000 fois et évoquée au journal de 20h sur France 2. Un sapin de Noël de 2 mètres de haut comporte pas moins de 400 000 aiguilles. En règle générale, environ la moitié se retrouve par terre avant le 31 décembre. Gingerbread made with molasses. joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Autrefois, les sapins de Noël n'étaient pas posés sur le sol, mais suspendus au plafond. Cela n'était vraisemblablement pas dû à la volonté de gagner de la place, mais plutôt à une époque où l'on suspendait des branches vertes pour chasser les mauvais esprits. Fait divers, un Père Noël pendouille à un réverbère après un saut en parachute. Alors qu'il sautait en parachute sur Bucarest, Roumanie, un Père Noël a percuté un réverbère le jour de Noël. S'étant trop rapproché du poteau, la toile s'est accrochée à un lampadaire et il a tournoyé sur lui-même, coincé à quelques mètres du sol. Le Père Noël a toutefois retrouvé son sang-froid et salué les gens qui s'assemblaient autour du réverbère. Une anecdote de Pierre de Saint-Max. Fin 2021, en raison de la reprise du Covid, je suis resté plus de 2 mois en télétravail, reprenant mes activités au bureau qu'en février. En rentrant, j'avais sur mon bureau un petit colis de Noël de l'entreprise et je trouvais ça très sympa. En ouvrant le colis, une odeur très désagréable me prit au nez. En ouvrant plus encore, je découvrais qu'il s'agissait en fait d'un plateau de fromage qui était sur mon bureau depuis 2 mois. L'intention était sympa, mais tout est parti à la poubelle et j'ai dû laisser la fenêtre ouverte durant 3 jours. Ceci dit, le Père Noël ne pouvait pas savoir. Joyeux Noël à tous! Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through. But I still have one wish to make. A special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true. But I can dream, and in my dreams, I'm Christmasing with you. Holidays are joyful. There's always something new, but every day's a holiday when I'm near to you. The lights on my tree, I wish you could see. I wish it every day. Happy New Year to you. I have just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. Happy New Year to you. I have just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. I wish I were with you. Dans la commune italienne de Gubbio, un sapin de Noël géant recouvre un pan de montagne entier. Chaque année depuis 1981, sur le Monte Inghino, un sapin haut de 800 mètres, large de 400 mètres, composé de 450 lampes colorées, est installé. Il est visible à 50 km de distance. Selon une étude sérieuse du NIH américain, en moyenne et par personne, nous prenons 370 grammes pendant les fêtes de fin d'année. Les records étant de plus de 10 kg pour certaines ou certains. Si la marque américaine Coca-Cola a permis de populariser la couleur rouge comme symbole de Noël, sachez qu'avant cela, tout était bien différent. En effet, les couleurs associées à Noël étaient beaucoup plus diverses et avaient chacune une symbolique bien précise. Une des premières couleurs traditionnelles associées à Noël était le vert. Celle-ci avait pour objectif de symboliser la vie, mais également la renaissance en lien avec l'histoire du Christ. Aujourd'hui, la couleur verte reste toujours représentative de Noël, même si elle est davantage associée à des éléments tels que le sapin de Noël ou la branche de houx. La deuxième couleur symbolisant Noël, était le rouge. Et oui, Coca-Cola n'a pas tout inventé. En effet, le rouge avait pour but de représenter le sang du Christ. Un symbole bien moins joyeux que le costume du Père Noël ou les chaussettes de Noël accrochées sur la cheminée. Enfin, la troisième et ultime couleur utilisée pour représenter Noël était le doré. Cette dernière incarnait la lumière, mais également la royauté et la richesse. De même que pour le vert et le rouge. Cette couleur reste aujourd'hui utilisée pour apporter une touche festive, décorative de Noël. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da la. Oh, oh, la da da la. Oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. Up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da. Oh, oh, la da da da da da. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again. To see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire. passer le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël! En Provence, une tradition de Noël veuille que l'on serve le gros choupé la veille de Noël. Il est composé de 7 plats maigres, sans viande, symbolisant les 7 douleurs de Marie. Servi avec 13 petits pains et suivi de 13 desserts représentatifs de la scène avec Jésus et les 12 apôtres. Et bon appétit, bien sûr. Une anecdote de Sylvie habitant Nancy. L'année dernière, ma fille âgée de 4 ans et moi croisons un Père Noël dans une galerie marchande d'un centre commercial. Ma fille court vers lui pour lui demander un câlin et moi je lui demande un selfie de tous les trois. Il nous répond énervé. Vous êtes gentils les gonzesses, mais là c'est ma pause et j'ai besoin d'aller aux chiottes. J'ai dit à ma fille qui était très surprise et déçue que ce n'était absolument pas le vrai Père Noël car le vrai Père Noël ne parle pas comme ça. À peine rentrée à la maison, elle dit à son papa. Tu sais quoi papa? Eh bien maman et moi, on a failli se faire avoir car on a croisé le faux Père Noël. C'est Noël. Et il faut penser aux gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, et les docteurs qui les soignent avec amour et tendresse. Bonne année et bonne fin d'année 2022. Time. Joyeux Noël avec Fadjet. Oh oh oh oh, joyeux Noël sur Fadjet. Une anecdote de Fifi 54 reçue par mail. Il y a 3 ans, mes beaux-parents m'ont offert pour Noël une petite boîte de vrai savon de Marseille. Il y a 2 ans, ils m'ont offert un joli rasoir et du savon à barre artisanal. L'année dernière, ils m'ont offert un coffret de plusieurs parfums. Je me demande s'ils veulent me passer un message ou s'ils m'en veulent toujours d'avoir épousé leur fille. Joyeux Noël à toute l'équipe de Fadjet et continuez comme cela, c'est super votre radio. Si le mois de décembre est généralement associé au partage et à l'amour de ses proches, sachez que ce n'est pas toujours le cas. Selon une étude Facebook basée sur les messages des utilisateurs, les 2 semaines précédant le réveillon montrent une hausse des ruptures chez les couples. A l'inverse, le jour du réveillon, lui, est le moins propice aux séparations. On se demande bien pourquoi. Les cadeaux, peut-être. Je suis un peu mauvaise langue sur ce coup-là. Joyeux Noël! Christmas time is on the rise. Snow is falling from the sky. My tender heart is filled with love, Christmas feelings and gratitude for all I've got. Love fills up my heart. Let's the best time of the year. Happy faces in the streets like you and me. You and me. It's Christmas time. Christmas time is on the skies. Excited children all around, bringing joy, looking for Santa in the night on tiptoe. Love. Christmas. Alors là, j'ai une petite question aux auditeurs et puis aux camarades de Fadjet et du GSA Aurélia. Savez-vous quel pays a offert en 1886 le plus gros cadeau de Noël de tous les temps à un pays ami ? La France. Bravo Alain ! Eh bien, c'est la France qui offre pour Noël 1886 aux États-Unis la célèbre Statue de la Liberté qui se trouve à New York. Voilà. Alors, tu vois Alain, voilà une anecdote à raconter à table le 25 pour épater tes proches. Je te remercie, c'est sympa. C'est cadeau. Joyeux Noël. De Malik de Mont-de-l'Ange. J'ai travaillé de nombreuses années comme éducateur dans un établissement d'enfants handicapés et une année j'ai fait le Père Noël pour notre repas du 25 où je donnais les cadeaux aux enfants et nous prenions des photos. Tout se passe bien jusqu'au moment où un enfant de mon groupe se jette sur moi en me disant « Tu n'es pas le vrai Père Noël !» J'essaye de rester sérieux en faisant la voix grave du Papa Noël et lui dis « Mais pourquoi dis-tu cela mon enfant ?» Et il me répond « Parce que tu as volé les chaussures de mon éducateur !» Il avait l'œil celui-ci. Joyeux Noël à tous sur Fadjet. Joyeux Noël. Joyeux Noël sur Fadjet. Nadia de Malzéville souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à sa famille du nord au sud. Et puis un petit spécial dédicace au Maroc. Bisous tout le monde. Alors, toute l'équipe de l'espace Yves Coppens, quartier Vendeste Étoile à Vendeuvre, souhaite un agréable Noël et fête de fin d'année aux auditeurs de Fadjet ainsi que le groupe solidaire actif d'Aurélia. It's Christmas time. Christmas in the sand, oh man, I tell you that's where it's at. Hawaiian tropic on my skin, a candy cane of peppermint, a hint of cocoa on my lips. It could have been the sun, it could have been the sea, could have been my childhood fantasy. But I saw Santa in his bathing suit, trying to catch a wave, but he tried too soon. He laughed so hard that he could barely breathe, and washed up next to me. He said, you look naughty, but I'm sure you're nice. He was soaking wet, but he cracked a smile. Nose was shining green, I think he was playing reindeer games on me. Santa only called him once, but she should have seen him run so fast. If they were gone in a dash, it could have been the sun, it could have been the sea, it could have been my childhood. Catch a wave, but he'll try too soon. He'll laugh so hard that he can barely breathe. It's what he did to me. He said, you look naughty, but I'm sure you're nice. He was soaking wet, but he cracked a smile with a present in his head. He said, it's Christmas in the sand. Christmas in the sand. Whoa. Voilà, notre émission de la veillée de Noël se termine sur Fadjet. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous allons nous quitter avec les Four Tops et Aretha Franklin. On se retrouve demain pour une deuxième émission, cette fois-ci à 14h, à Noël tout autour du monde, qui se terminera par une Christmas party où vous allez pousser les tables et les chaises et danser sur les rythmes des années 60, 70, 80, 90 et 2000. Et qui vous permettra de terminer cette journée de Noël joyeusement. Voilà. Merci à tous et à toutes de votre attention, de votre écoute. On vous souhaite une belle nuit de Noël. Que la nuit vous soit douce. À demain, 14h, sur Fadjet. Bonne nuit et joyeux Noël. Oh oh oh oh, joyeux Noël sur Fadjet. As we're all gathered here, getting ready for some Christmas cheer, with you and Mom and Dad, and Grandma is coming too, and I am looking forward to mistletoe and kissing you, and all the love and joy it brings, having Christmas here. I feel warmer than a summer night. 'Cause deep in my heart I know that time has come again to be with all my family as we gather round Christmas tree. All the love and joy I see having Christmas here. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, love. There's my Uncle Bill, my sister Jill, and my cousin Seal. Santa Claus is coming! What a great day. Christmas here.